Premier groupe, on y va. Premier groupe. Allez, vite, vite, vite. On s'active. Julietta, Alexandre, Valentine et moi-même. Et nous allons vous présenter aujourd'hui la première partie du livre Getting to Yes de Roger Fisher et de Léa Méry. Ce livre répond à la question quel est le meilleur moyen pour les personnes de gérer leurs différends? En d'autres termes, comment arriver à un oui sans se faire la guerre? Je pense que vous le savez bien tous, la négociation est présente dans la vie de chacun. Et on négocie tous les jours sans même s'en rendre compte, que ce soit pour la vente d'une maison, ou la distribution des tâches ménagères, ou bien encore lorsqu'on veut obtenir quelque chose de quelqu'un. La négociation, c'est également une communication à double sens, où on veut arriver à un accord entre vous et autrui, lorsque les intérêts sont communs ou opposés. Alors, chaque individu se révèle face à un dilemme, et on distingue deux grandes façons de négocier. La première façon, c'est la façon soft, et la deuxième, la façon hard. Elle se distingue parce que la façon soft, c'est la volonté d'arriver à un accord amical, tandis que la façon hard, c'est la volonté de gagner cette négociation. Chaque étape de la négociation doit être jugée, dans le livre, selon trois critères essentiels. Et c'est l'objet du premier chapitre de ce livre. Donc les trois critères, c'est, premièrement, la négociation doit aboutir à un accord avisé. L'accord avisé peut être défini comme celui qui répond à l'intérêt légitime, équitable, qui est durable et qui prend en compte l'intérêt. communauté. Alors, on a remarqué, enfin, des constats qui ont été faits dans le livre ont été que au plus le parti montre l'impossibilité de changer sa position au départ, au plus pour l'autre parti, ça va être difficile de lui faire changer cette position. L'ego se révèle également, l'ego de chaque négociateur est défini lors d'une négociation. Donc on va voir la personnalité du négociateur grâce à la négociation. Donc, il ne faut pas camper sur ses positions, parce que camper sur ses positions ne répond à aucun de ces trois critères. Et notamment, être trop gentil ne va pas aider spécialement à ce que la négociation se résolve au mieux. De nombreuses personnes optent alors pour la façon soft, donc c'est-à-dire la volonté d'atteindre un arrangement et de voir la personne en face de nous comme un ami et non comme un adversaire. Cependant, pour cela, ils mettent en place des offres et font des concessions, mais ça peut paraître comme étant vulnérable, on se sent vulnérable face aux parties en face de nous qui souhaitent opter pour une négociation à eux. Alors, deuxièmement, la négociation doit être efficace et enfin, elle doit améliorer ou en tout cas ne pas nuire à la relation entre les parties. Cependant, il y a une alternative et c'est cette alternative qui est présentée par le bouquin. Donc, elle s'appelle Principled Negotiation. Donc, en d'autres termes, elle montre comment se dire ce que l'on veut sans pour autant, en restant décent, sans aller dans des extrêmes. Donc, en d'autres termes, elle montre comment obtenir ce que l'on veut tout en étant fair-play, tout en étant juste, mais en ne laissant pas la possibilité à l'adversaire de prendre le pas sur nous. Donc, elle se situe bien au-delà des tactiques que Valentine a présentées, donc à savoir les manières soft et hard, puisqu'elle permet de produire des conclusions beaucoup plus amicales, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus avantageuses. Donc cette méthode se résume en 4 axes. Je ne vais pas plus les développer parce qu'elles seront présentées dans d'autres exposés. Donc premièrement, nous avons l'axe people. Et qu'est-ce que... Donc tout le point de ce chapitre, c'est separate the people from the problem. On reviendra là-dessus par la suite parce que c'est la partie qu'on va présenter aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'axe interest qui nous dit focus on interest and position. Ensuite, nous avons options. Elle nous dit qu'il faut générer un maximum de possibilités avant de décider quoi que ce soit afin de maximiser les gains mutuels. Et enfin, nous avons le dernier axe, criteria, et qui insiste sur le fait que tous les résultats doivent être basés sur des objectifs, des standards objectifs. Donc, comme je le disais, nous, on va développer l'axe people. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce chapitre? Il faut savoir, comme vous le savez, que l'être humain possède des émotions, possède des valeurs, et possède aussi une vision du monde qui lui est propre. Et tout négociateur doit être capable de pouvoir gérer tout ça, et ce n'est pas une mince affaire. Parce que quand on communique, quand on négocie, on peut être face à des incompréhensions, on peut être aussi face à quelque chose qu'on interprète mal, et la personne en face de nous peut se braquer, se fâcher, et c'est pas quelque chose, et c'est quelque chose de très difficile pour un négociateur. C'est pour ça qu'il doit avoir deux intérêts en tête, donc savoir premièrement de substance, donc c'est le fond, l'objet de la négociation, et ensuite les relations entre eux et la personne en face. Pourquoi ? Parce que toute négociation se base sur des relations déjà existantes. Et c'est dans l'intérêt du négociateur de conserver ce genre de relations. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas altérer le futur, car on sera peut-être amené à de nouveau négocier avec ces personnes. Et donc pour cela, pour se frayer un chemin à travers tout ce flux émotionnel, il faut que le négociateur garde 3 principes fondamentaux en tête. Donc à savoir la perception, l'émotion et la communication. Alors le problème dans une négociation, c'est la réalité telle qu'elle est perçue par chaque partie et qu'en fait pour trouver une solution, eh bien il faudra se mettre à la place de l'autre. Pourtant se mettre à la place de l'autre, on sait c'est difficile, mais ça reste une compétence incontournable d'un bon négociateur. Voici un exemple de perception différente de la réalité. Nous avons d'un côté la perception du locataire. Je paye toujours le loyer lorsqu'elle me le demande. Et de l'autre côté, la propriétaire, il ne paye jamais le loyer sauf si je lui demande. Une fois qu'on s'est mis à la place de l'autre, il faut essayer de comprendre son point de vue. Il faut essayer de voir quelles sont les idées et les émotions qui poussent la personne à croire si fort en cette perception de la réalité. Ces perceptions vont nous aider à résoudre le conflit. Donc évidemment, si vous essayez de comprendre le point de vue d'autrui, ça ne veut certainement pas dire que vous êtes en train de perdre la manche. Bien au contraire, c'est très bénéfique. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple de déduction d'intention qu'on se fait en se basant sur nos craintes et nos perceptions. Imaginez que vous êtes dans un bar avec vos amis et qu'un homme offre un verre à une de vos amies. Ensuite, il va lui proposer de la raccompagner chez elle en empruntant des raccourcis douteux. Et finalement, votre amie se retrouve chez elle bien plus tôt que prévu. Est-ce que la fin vous étonne? Oui, certainement, parce qu'on a fait quoi? Eh bien, on s'est basé sur nos craintes et on a déduit quelque chose. Et c'est ce qui se passe lors d'une négociation aussi. On a tendance à associer le problème à la personne, alors qu'il faut au contraire dissocier les deux. Il faut séparer l'humain du problème. Les autres ne sont pas responsables de nos perceptions et de nos craintes. Une fois qu'on a compris le point de vue d'autrui, le meilleur moyen pour changer les perceptions, c'est de lui envoyer un message inattendu, voire un message surprenant. Il faut également lui donner de l'intérêt dans la négociation, en lui demandant par exemple des conseils et en donnant du crédit à ce qu'il va nous dire. Un négociateur qui ne s'est pas senti impliqué dans le processus de la négociation sera moins apte à approuver l'accord. Enfin, l'acceptation de l'enjeu se fait plus facilement si les deux parties se sentent comme étant détenteurs des idées. Une dernière méthode, mais pas des moindres, c'est le face saving. Il s'agit d'intégrer les valeurs et les besoins du négociateur dans l'issue de la négociation. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que lorsqu'un négociateur campe sur sa position, c'est parce qu'il ne veut pas perdre la face, même quand il sait que la solution qu'il propose n'est pas efficace. C'est dans ces moments-là qu'il faut introduire cette méthode de face saving, donc unir l'ego, les principes et les besoins du négociateur. Voilà, nous passons maintenant à la phase de l'émotion. Lors d'une négociation ou d'une dispute amère, les sentiments et les émotions prennent le dessus et ont une plus grande importance que la parole et la discussion en elle-même. C'est pour ça qu'il est très important de bien se connaître et de bien comprendre nos propres émotions. Mais aussi, on doit bien observer et comprendre les émotions de la personne qui est en face de nous, car elle aussi, elle a des émotions et se comporte d'une certaine manière à cause de ses antécédents, etc. Il arrive également que lorsqu'on arrive à une négociation, on se rend compte des enjeux de cette négociation. La peur peut arriver et cette peur peut se transformer en colère, ce qui va nuire complètement à la négociation. Beaucoup d'émotions lors d'une négociation sont conduites par des préoccupations fondamentales. La première, l'autonomie, c'est donc cette volonté d'être autonome et de faire ses propres choix. Ensuite, l'appréciation, de nouveau le désir d'être apprécié et d'être reconnu. Ensuite, l'affiliation, c'est donc appartenir à un groupe et d'être accepté dans ce groupe. Le rôle, c'est-à-dire avoir un but significatif. Et pour finir, le statut, c'est de nouveau de bien être vu et reconnu. Nous passons maintenant à la communication. Comme je vous l'ai dit au tout début, négocier, c'est communiquer, mais bien entendu, parfois, il y a des soucis dans la communication. Le premier, c'est lorsque deux négociateurs se parlent, parfois, ils se parlent non pour être compris, mais pour impressionner l'autre. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est lorsqu'on parle, parfois on ne nous écoute pas, on ne prête pas assez attention à notre message. Et le dernier, c'est l'incompréhension. Il est vrai que lorsqu'on dit quelque chose, parfois nos propos peuvent être mal interprétés et mal compris. C'est pour ça qu'il est important d'écouter et assimiler ce qui est dit, parler pour être compris et non essayer d'affilier l'adversaire, enfin, la deuxième partie, à notre position, mais essayer de bien continuer la négociation. Ensuite, parler à propos de soi et non à propos d'eux, c'est-à-dire ne pas incriminer la personne, mais parler de ses propres ressentis. Et pour finir, parler dans un but précis. C'est vrai que parfois, lors des négociations, ce n'est pas le manque de communication qui pose problème, mais l'excès de la communication. C'est sur ce dernier point que nous allons terminer la présentation en nous concentrant sur le fait qu'il faut séparer l'homme du problème. Merci. Sur les intérêts qui se cachent derrière les positions des personnes. Donc les personnes prennent toujours une position en particulier dans une négociation, mais finalement on va se rendre compte qu'il se cache souvent des intérêts derrière et que c'est important pour une multitude de raisons de se concentrer là-dessus. Et on va partir pour ça d'un exemple. Donc je vous laisse le lire en même temps. Ça va permettre pour nous de développer la théorie à partir de ça et c'est assez, ça aide vraiment à comprendre. Donc, tout simplement, ben voilà, il y a une personne qui est, enfin, deux personnes dans une pièce, une personne qui veut ouvrir la fenêtre, l'autre qui ne veut pas l'ouvrir. C'est leur position. Et finalement, donc, on a l'impression qu'il n'y a aucune issue possible. Et une troisième personne, elle, va ouvrir une fenêtre dans l'autre pièce. Donc, qu'est-ce que la personne a fait? En fait, elle s'est pas concentrée sur la troisième personne, elle s'est pas concentrée sur les positions des personnes, mais bien sur les intérêts de chacune. Donc, il y en avait une, en fait, qui avait peur qui voulait simplement faire des nouvelles airs, l'autre qui avait peur des courants d'air ou d'avoir froid. Et c'est ce que cette troisième personne a réussi à percevoir. Et donc, elle a trouvé une solution win-win, donc qui arrangeait tout le monde. C'est de là qu'on part. Et c'est là que Mathilde va partir pour vous expliquer la suite. Donc, un des premiers points à savoir, c'est que les intérêts définissent le problème. Le problème de base de la négociation n'est pas d'avoir des parties opposées, c'est le conflit entre les désirs, les peurs et les peurs et les désirs de chaque partie. Les intérêts résident dans les besoins et les désirs d'une personne, c'est ce qui les motive, c'est ce qui se cache derrière leur prise de position. On prend position dans le but de défendre un intérêt. Se concentrer sur les intérêts de chacun permet de développer une solution pour deux raisons. La première raison, c'est que pour chaque intérêt, il y a différentes positions et souvent on choisit les plus évidentes. Si on se concentre sur les intérêts, on peut trouver une solution qui convient aux deux parties. La deuxième raison est que lorsque les deux positions sont opposées, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt commun derrière ceci. Elles peuvent être compatibles. Il est important aussi de savoir comment identifier les intérêts. Il est facile d'identifier une position car la position est concrète et explicite, tandis que les intérêts sont inconscients et inexprimés. Donc ils ne sont pas faciles à identifier et il y a plusieurs choses à se demander pour les identifier. Il faut se demander pourquoi en se mettant à la place de l'autre et en examinant ses positions, en se demandant qu'est-ce qu'il attend de moi. Ou se demander pourquoi pas sur ce que les autres pensent que je vais leur demander. On pourrait aussi analyser les conséquences comme l'autre les voit, s'il accepterait ou refuserait ce qu'on demande. Il faut aussi réaliser que chaque côté, chaque partie a ses propres, plusieurs intérêts. Donc, ce n'est pas limité à un intérêt et ce n'est pas les mêmes pour chacun d'eux. On ne veut pas seulement qu'un arrangement ait un impact, mais on veut aussi qu'il soit réalisé. Donc, on poursuit à la fois notre intérêt et les intérêts partagés. De plus, les intérêts les plus puissants sont les besoins humains. Le fait de préserver les besoins humains permet d'augmenter les chances de trouver un compromis. Les besoins humains incluent la sécurité, le bien-être financier, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance et le contrôle de notre vie. Pourtant, on a souvent tendance à penser que l'argent est le principal intérêt, alors que non, cela cache bien d'autres choses. Une autre façon de faire est d'énumérer les intérêts en faisant une liste, ce qui permet de trouver de nouvelles idées et aussi de mettre au clair les intérêts de chacun et aussi de voir les intérêts les plus importants. Après avoir identifié les intérêts, il faut en parler. Pour que chacun ne reste pas campé sur ses positions, il faut directement bien communiquer de quoi on parle et ses intérêts. Mais comment faire? La première étape est de faire connaître ses intérêts. On doit d'abord faire comprendre exactement à l'autre partie l'importance et la légitimité de nos intérêts en étant spécifique. Si on ne l'est pas, l'autre partie va moins bien comprendre et donc ça aura moins d'impact. Il faut aussi faire attention à crédibiliser nos intérêts sans décrédibiliser ceux de l'autre partie. La deuxième chose à faire est de faire en sorte que les propres intérêts de l'autre soient pris en compte dans le problème. C'est-à-dire qu'on va d'office se sentir plus concerné par nos propres intérêts, mais qu'il est préférable d'office d'écouter l'autre partie pour qu'elle se sente mieux comprise et donc il y aura une meilleure entente et plus de sympathie. C'est un gagnant-gagnant. Ensuite, faire passer le problème avant la réponse. Il faut d'abord bien annoncer le problème pour qu'il n'y ait pas, pour pas ne laisser de temps à l'autre partie de contrecarrer nos différentes propositions. Et donc de garder une écoute attentive. En premier lieu, on explique le problème, le souci avec la position de notre partie. Et ensuite, on propose notre alternative comme solution. Un autre point important est aussi de regarder vers l'avant. Dans une négociation, on aura tendance à discuter sur ce que l'autre veut prouver pour que nos arguments soient bons et dominer le débat. Or, il faut avancer vers son objectif et ne pas chercher toujours à contrecarrer l'autre. Les auteurs expliquent aussi que il faut se demander pourquoi la négociation a lieu. On peut se rendre compte que la question « pourquoi » a deux significations différentes. La première est liée à une cause ou à un comportement déterminé suite à des événements antérieurs, tandis que l'autre est liée par rapport à un but futur. Dans une négociation, pour répondre efficacement à nos intérêts, il est donc important de regarder vers l'avant et de se baser vers un but futur. Lors d'une négociation, il faut aussi être concret mais flexible. On a l'habitude de s'asseoir face à l'autre et d'attendre de voir ce qu'il a proposé ou à offrir. Mais pour convertir nos intérêts en options concrètes, il faut savoir ce qu'on aimerait que l'autre accepte. Ensuite, formuler chaque option qu'on a trouvée de façon illustrative, c'est la spécificité illustrative. La dernière façon de parler de nos intérêts est d'être ferme par rapport au problème, mais doux face aux gens. Il faut rester ferme par rapport à nos intérêts, tout comme on l'aurait fait par rapport à notre position. Le fait d'être sûr de soi par rapport à nos intérêts va permettre de créer de nouvelles solutions pour chacune des parties. Si par exemple quelqu'un se sent attaqué ou ou directement concernée, elle aura tendance à se mettre en retrait et à ne pas moins écouter l'autre partie. Et donc, cela aura moins d'impact. Donc, il faut créer, il faut plus se figer sur le problème même et avoir, avoir une écoute mutuelle, ce qui permet d'avoir une bonne relation au sein de la négociation. Voilà. Donc, après avoir donc, identifié les intérêts, il est important aussi donc, d'essayer d'avoir des options pour avoir un gagnant-gagnant, donc un gain mutuel. Donc, il y a une grosse tendance en négociation, c'est de croire que c'est directement, enfin, l'issue, ce sera d'office un gagnant et un perdant. Donc, il y aura d'office une seule personne qui va gagner, une seule solution qui va gagner et pas l'autre. Alors que finalement, le succès et la plus grosse qualité d'un négociateur, ce serait justement de pouvoir identifier des solutions win-win, donc qui va satisfaire les deux parties de la négociation. Donc, les auteurs font un diagnostic. Donc, pour eux, il y a 4 obstacles donc, à l'invention d'options qui vont justement satisfaire les deux parties. Donc, il y a le fait de faire un jugement prématuré des options qu'on pourrait trouver ou proposer, le fait de rechercher une seule solution dans la négociation, donc de croire que l'issue sera vraiment une seule solution possible, l'hypothèse des situations figées, ou penser que résoudre le problème de l'autre dépend de lui, donc voilà, ce que l'autre pense, ses problèmes, il n'y a que lui qui doit s'en concerner, moi ça ne me concerne pas. Donc, au niveau du jugement prématuré, donc, il faut savoir que le jugement d'une idée ou d'une option, ça va gêner justement l'imagination. Donc, on a tendance en négociation à laisser tomber complètement le côté imaginatif, le côté créatif, en pensant que l'efficacité, ça va être d'aller tout, enfin, de considérer l'option de l'un, l'option de l'autre, et ça va être de trouver une seule solution. Donc, souvent, on privilégie l'efficacité au détriment de l'imagination. De plus, on a peur donc d'un jugement de l'autre partie en proposant peut-être une option qui n'était pas clairement indiquée au départ. Et donc, on est assez intimidé et finalement, on n'ose même pas proposer. Donc, le jugement, c'est vraiment quelque chose de toxique pour l'invention de nouvelles idées. Donc, le deuxième problème serait de rechercher une seule solution. Donc, encore une fois, une grosse tendance, c'est de penser qu'une négociation, ça va juste servir à réduire le fossé entre l'avis du le problème d'une personne et le problème de l'autre, et qu'il n'y a aucun changement qui est possible, donc qu'il n'y a aucune autre solution qui est disponible. Et finalement, on pense que le produit de négociation, ce sera une seule décision, mais finalement, c'est peut-être pas la seule issue possible. Donc, il y a aussi un problème, c'est qu'on a peur d'aller vers l'imagination, de proposer de nouvelles choses et d'avoir une nouvelle discussion sur une nouvelle option, de peur d'entraîner une confusion dans tout le processus de la négociation qui est au départ, qu'on voit assez tracé et stratégique, mais c'est parfois bien justement de discuter sur de nouvelles choses afin de trouver un accord entre les deux parties. Je vais vous arrêter là parce qu'il y a un groupe qui est venu spécialement. Et donc, je vais donner la parole au groupe. C'était très okay. Bien. On a l'ordre. Oui, je suis désolée parce que sinon, ils n'auront pas le temps. Et on fait quoi là? Alors, pour toutes les personnes qui avaient préparé la présentation ou les notes, vous envoyez à tout le monde, d'accord? Et l'objectif, c'est que vous lisiez, bien sûr, les apports de chacun. Je suis désolée. Hein. Oui, parce qu'on avait préparé aussi. Je sais. Mais ça, c'est ça. Okay. Allez, dernier groupe. Si on n'aura pas, moi aussi, hein. Vous m'envoyez à moi et aux autres. Hein. Tous ceux qui passaient normalement avant le groupe qui est venu spécialement. Désolé. Alors, Ce chapitre porte principalement sur le fait qu'il vaut mieux se focaliser sur les intérêts des négociateurs et non sur leur position. On a remarqué que dans de nombreuses négociations, le problème, c'est qu'il y a souvent un conflit qui existe entre les craintes, les peurs et les besoins de chaque négociateur. Et donc la meilleure solution à adopter, c'est de se focaliser donc, sur les intérêts et non sur leur position. Donc qu'est-ce qu'un intérêt ? Donc, ce sont les causes qui nous poussent à prendre telle ou telle décision. Donc, les intérêts motivent les personnes et sont vraiment les moteurs des décisions, des positions, pardon. Tandis que la position, c'est ce qu'on va montrer à l'adversaire pendant la négociation. C'est ce qu'on va lui dire et montrer pendant la négociation. Je vais vous donner un petit exemple, vous l'avez peut-être lu rapidement tout à l'heure, mais on va peut-être préciser. Donc, ce sont deux personnes qui sont dans une bibliothèque. L'une des deux personnes souhaite ouvrir la fenêtre et l'autre souhaite la fermer. Donc ça, ce sont leurs positions. On ne sait pas les raisons de leur choix, mais l'un veut l'ouvrir et l'autre veut fermer. Et une personne extérieure va entrer dans ce conflit et va décider de se focaliser sur les intérêts, étant donné que les positions étaient vraiment incompatibles. Et elle remarque alors qu'une des deux personnes veut l'ouvrir pour avoir un courant d'air frais, tandis que l'autre veut la fermer pour éviter le courant d'air. Ça, ce sont leurs intérêts. Et donc, en se focalisant là-dessus, elle prend la décision d'ouvrir une fenêtre dans une pièce extérieure, ce qui permet d'accommoder les deux parties grâce aux intérêts et non par les positions. Un autre exemple qui peut être donné, c'est le traité de paix qui s'est passé entre l'Israël et l'Égypte. Donc, à nouveau, leurs positions sont incompatibles, étant donné que l'Égypte veut posséder l'entièreté du Sinaï et l'Israël veut posséder une partie du Sinaï. Donc, c'est impossible de mettre ensemble ces deux positions. Donc, à nouveau, on va regarder les intérêts. Et là, on remarque qu'il y a une solution qui est possible, parce que l'intérêt d'Israël est en matière de sécurité. Elle veut éviter que l'Égypte attaque Israël, étant donné que le Sinaï est entre les deux pays. Et pour l'Égypte, c'est une question de souveraineté. Le Sinaï lui appartient depuis des années, donc ils veulent le garder sous leur souveraineté. Donc à ce moment-là, on remarque qu'une solution est possible, et donc ils vont donner le Sinaï entièrement à l'Égypte, donc sous la souveraineté égyptienne, mais démilitariser la zone du Sinaï, ce qui fait que ça arrange aussi l'Israël au niveau de sa sécurité. Alors maintenant, il faut se poser la question de savoir comment identifier les intérêts qui sont impliqués dans une négociation. Les positions, elles sont assez faciles à cerner parce qu'elles sont concrètes et explicites, tandis que les intérêts, eux, ils sont généralement peu exprimés et ils sont inconscients, du coup c'est vraiment pas facile de cerner les intérêts de la partie adverse. Pourtant c'est vraiment primordial étant donné que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et donc il y a différentes questions à se poser pour essayer de cerner les différents intérêts impliqués. La première c'est on se demande pourquoi. Donc on examine la position de la partie adverse et on se demande pourquoi est-ce qu'elle a pris cette position et la réponse sera généralement l'intérêt qu'elle y porte. La seconde question c'est de se demander pourquoi pas. Donc, pour identifier les intérêts de la partie adverse, on va examiner notre propre décision à nous et on va se dire, ok, pourquoi est-ce que la partie adverse n'a pas pris la même décision que nous ? Ça nous permettra d'essayer d'identifier ses intérêts également. On peut également se demander, enfin, il faut également se rendre compte que la partie adverse a généralement plusieurs intérêts. Donc, c'est une erreur de penser que chaque personne d'une partie adverse possède les mêmes intérêts. Il y a vraiment plusieurs intérêts qui sont impliqués et ils ne sont généralement pas les mêmes. Et c'est aussi important de se rendre compte que dans une négociation, il n'y a pas uniquement deux parties, deux personnes, mais il y a vraiment toute une série de personnes, d'influences et de parties qui sont impliquées dans une négociation. Ensuite, il faut également garder à l'esprit que chaque individu dispose d'intérêts humains basiques, hein, qui sont les plus puissants, comme par exemple la sécurité, l'appartenance, le sentiment d'appartenance, etc. Et donc ces intérêts sont vraiment très puissants et très importants. Dans une négociation, on a tendance à croire que l'intérêt principal de chacune des parties, c'est l'argent. Mais au contraire, chaque partie va, derrière ses positions, va avoir des intérêts humains basiques et individuels. Et enfin, dernier élément à se dire, c'est de faire une liste, de les noter, pas simplement pour s'en souvenir, mais aussi pour pouvoir les classer par ordre d'importance et pour pouvoir stimuler et essayer d'avoir encore d'autres idées. Oui. Alors ensuite, on va vous donner quelques petites astuces, quelques pistes pour réussir une négociation en privilégiant les intérêts et non les positions. Donc, premièrement, il faut que les intérêts deviennent vivants. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que la partie adverse n'a pas toujours connaissance de nos propres intérêts. C'est donc à nous de les faire connaître et de l'expliquer. Il faut aussi expliquer en quoi ils sont importants pour nous, donc il faut légitimiser auprès de la partie adverse. Une autre manière aussi de faire, c'est d'apporter du détail, d'être spécifique et précis pour avoir encore plus d'impact lors de la négociation. Et enfin, plus concrètement, pour que la partie adverse se sente peut-être plus concernée par nos intérêts, c'est inviter l'autre à me corriger en disant par exemple « Dites-moi s'il me trompe, mais il me semble que… » Donc la partie adverse sera plus concernée par nos intérêts, ou bien leur faire comprendre que eux aussi, ils peuvent être concernés par ça en disant « Vous aussi, vous avez des enfants. » Donc là, encore une fois, ils se sentiront concernés par nos intérêts. Alors la deuxième chose importante, c'est de reconnaître les intérêts de l'autre partie. Donc si on montre à l'autre partie qu'on comprend, qu'on prend en considération et qu'on l'écoute sur ses intérêts, on peut espérer qu'ils aient le même comportement avec nous. Donc, ce qui est la petite chose à retenir ici, c'est que si on veut que nos intérêts soient pris en considération, il faut faire de même avec notre personne. Ça, c'est pour le deuxième point. Une troisième piste, c'est d'amener le problème avant la réponse. Donc, pour espérer que notre raisonnement soit compris, il faut un peu suivre un petit processus qui est d'abord expliquer notre raisonnement, puis ensuite faire des propositions pour ensuite amener nos propres conclusions. En quatrième point, on va regarder surtout en avant et pas en arrière. Donc il faut essayer de faire abstraction, faire abstraction de ce que la partie adverse a dit ou fait dans le passé et vraiment se concentrer sur les faits actuels et sur l'intérêt qui est actuel lors de la négociation. L'avant-dernier point, c'est d'être concret et flexible. Donc il faut évidemment savoir où on va et avoir des intérêts qui sont définis à l'avance. Mais il ne faut pas se braquer et rester ouvert à de nouvelles idées et prendre en considération qu'il peut y avoir de nouvelles options qui sont possibles, qui peuvent arriver pendant la négociation. Pardon. Et enfin, le dernier point, c'est d'être tenace sur le problème et rester soft avec les personnes. Il faut savoir faire la part des choses et séparer le problème de la personne. Rester dur sur le problème et la négociation, c'est le principe. Mais vers la personne, il faut bien sûr rester respectueux, rester courtois et à l'écoute de ses intérêts. Et donc, ce qu'on peut vraiment retenir qui est central, c'est d'être ferme sur les négociations, mais rester ouvert aux idées. Donc, pour conclure ce chapitre, on va reprendre un peu les points importants, qui sont donc la différence entre les intérêts et les positions. Les positions, comme vous a dit, qui sont directement explicites, mais qui sont motivées par des intérêts sur lesquels on peut plus facilement jouer dès qu'on les connaît pour trouver une solution. Et donc, considérer les intérêts de la partie adverse, ça va être un véritable atout dans la négociation pour trouver une solution. Pour arriver à ça, il faut bien sûr rester à l'écoute, c'est vraiment un point central qui va nous permettre donc de trouver les intérêts de la partie adverse. Et le conseil central, c'est de rester ferme et ouvert à de nouvelles propositions. Merci beaucoup. Alors, bravo à tous, et désolé pour ceux qui n'ont pas pu se présenter, mais on va envoyer vos présentations ou vos textes, si vous voulez bien, parce que si je dois de nouveau chambouler l'ordre, on ne va jamais y arriver, quoi. Donc, je retiens aussi pour la prochaine fois de peut-être faire qu'une négociation pour laisser plus d'espace aux présentations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois.